L'association d'amitié France-Corée a présenté dans le bulletin numéro 127 le résumé détaillé du rapport d'activité du comité central du Parti Travail de Corée prononcé par le maréchal Kim Jong-un au 7e congrès du parti. Le bulletin a présenté la photo du maréchal qui présente le rapport.